les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le pianiste Thelonious Sphere Monk, né en 1917 en Caroline du Nord, mort en 1982 à New York, est l'auteur de 53 morceaux qui comptent parmi les plus célèbres du répertoire jazzistique du XXe siècle. Round Midnight, Evidence, Mysterioso, Epistrophe ou encore Crépuscule with Nelly, pour citer quelques-uns des titres dont il est l'auteur, sont autant de partitions à la forme singulière, dont la structure, le tempo et la construction mélodique sont complexes et difficiles à analyser. En 1989, dans le troisième volet d'une série de 5 émissions consacrées au jazzman, Gérard Tourtrolle et Yvan Amar s'intéressaient à cette dimension spécifique de son œuvre et donnaient surtout à l'entendre. Le rythme et la raison, Thelonious Monk, un prophète énigmatique, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 octobre 1989. Thelonious Monk, un prophète énigmatique. Monk, compositeur. Jenny Griffin. He was a master of space. Monk, c'était un maître pour créer de l'espace. Écoutez sa façon de suspendre son jeu, ou sa manière de jouer des solos au piano, des morceaux comme Straight No Chaser, ou bien d'autres. C'était un maître du temps. Relate his music, say, to the music of Duke Ellington or Billy Strayhorn. In that sense, comparaison, c'est avec la musique de Duke Ellington ou Billy Strayhorn. Rhythmic approach. Mais Monk avait une approche rythmique différente. And formulation of tunes, because he would write. Pour les mélodies et la forme des morceaux, il écrivait des mélodies en 4/4. And 4/4, and some bars would have only 2 beats instead of 4 beats. Et certaines mesures avaient 2 temps au lieu de 4. Tinkle Trinkle. Par exemple, dans Trinkle Tinkle, c'est un morceau qui a une mélodie très accrocheuse. En écoutant bien, on peut voir une logique dans tout ce qu'il a fait. dans tous les procédés qu'il a utilisés. Et ça n'appartient qu'à Monk. Phil Woods. En gros, Monk, c'est du non-dit, de l'espace, quelque chose d'anguleux, des lignes brisées, pas trop de douceur. C'est pas fait pour être une jolie musique de danse, mais c'est pas fait pour être affreux non plus. C'est entre les deux. Il y a la réalité de Monk entre les deux. La baronne Nika de Königswarter, qui fut amie et mécène pour tous les musiciens de jazz dans les années 50. La vie n'était pas banale autour de Thelonious. On ne savait jamais à quoi s'attendre, sauf quand il était en train de composer. À ce moment-là, c'était la concentration totale et rien ne pouvait le distraire. Il resta nuit et jour au piano. Et je crois que la maison aurait pu prendre feu autour de lui sans qu'il s'aperçoive. Les mélodies semblaient lui arriver d'un coup, mais c'était les ponts qui lui prenaient du temps. Comme l'architecte qu'il était, il les construisait avec infiniment de peine. Il devait toujours être parfait, et ça lui prenait parfois des semaines avant qu'il soit satisfait. Steve Lacy. C'est une musique pleine de rapports, comme ça. Et comme Monk a expliqué à moi, une partie de le morceau est fabriquée pour faire sonner bien l'autre partie. Par exemple, le pont d'un morceau, le milieu, il m'a expliqué que le milieu est fait pour faire swinger l'autre partie. Il évite la symétrie. C'est toujours plus intéressant que symétrique. Hein? Il y a le rime, il y a l'écho, il y a la répétition, il y a le contraste, il y a tous les éléments qu'il faut, mais c'est pas banal, c'est jamais banal. Des petites différences, les nuances, les déplacements, comme vous avez dit, le décalage et tout ça, c'est tellement subtil, c'est comme un grand artiste, un grand poète. Il plaisante pas dans la structure, dans la composition. Il plaisante quand il joue, mais quand il compose, c'est vraiment sérieux. Il y a des morceaux qui sont, et c'est suffisant de les jouer, hein. Ils sont si complets, si beaux, qu'ils provoquent pas une extension, une extemporisation, non. Il y a, par exemple, Crepuscule with Nelly. Il n'y a pas beaucoup à dire après ce morceau-là parce que c'est tellement lent, tellement beau, tellement parfait que qu'est-ce qu'on peut jouer après ça, hein? On peut jouer le connerie. Thank you. C'est aussi comme une autre chose qui est très importante chez Monk, c'est le show business et c'est la danse. Et lui, il aimait danser, il aimait les danseurs, et il connaissait tous les pas et il dansait sans arrêt. Et la première note de Heavy Dance, c'est une sorte de pas, comme ça. Là, c'est un peu off. Mais on fait une chose off, et puis une autre chose, et une autre chose, et alors on est déjà parti. L'épistrophe, c'est très original parce que c'est une strophe et puis une autre strophe et encore la deuxième et puis encore la première. Et puis, après ça, on change. On va à le contraste. Ça veut dire A, B, B, A, C, B, A. À l'époque, c'était assez original. C'est inépuisable, un morceau comme ça. Monk, il a joué ça tous les soirs, à la fin de chaque set, il jouait ça. Il jouait ça des milliers de fois et c'était jamais le même, jamais ennuyant, c'est toujours swingé. C'est le New Monk. Well, they're always different, you know, if you improvise, it's very hard to play anything over exactly like it is. Quand on improvise, c'est difficile de faire deux fois la même chose. Even if you play the melody that you on joue une note plus fort ou plus doucement, même si c'est la même mélodie. Et une des choses les plus difficiles, c'est de prendre le bon tempo. Roy Haynes. Je peux prendre le morceau qui était son indicatif. J'avais entendu Shadow Wilson jouer comme ça. Alors moi j'ai essayé de lui donner un rythme latin. Jouer avec Monk, c'était un défi passionnant. Il avait ses tempos spéciaux pour jouer certaines mélodies. Il prenait des tempos intermédiaires qui n'étaient pas très courants. Ni très rapide, ni très lent. Très difficile. His tempos are very odd, like you say. Ses tempos étaient très difficiles. It's not like a Charlie Parker. Sa musique était bizarre. C'était pas comme celle de Charlie Parker. C'est plus lent souvent. That's one of the fast ones. Rhythmoning, c'est un des plus rapides. Johnny Griffin. Oh, everybody's playing Rhythmoning. Those are changes. Tous les musiciens jouent Rhythmoning. C'est un morceau avec les mêmes changements d'accord que I Got a Rhythm. C'est un morceau qui convient bien aux musiciens pour les jam sessions. Rhythmoning, pour ça, c'est une bonne mélodie. Le blues, il était sublime. Par exemple, Mysterioso, c'est génial. Ça, on peut étudier, ça, c'est un morceau de mathématiques, de blues, de musique. C'est des intervalles, c'est une structure, c'est visible, c'est la musique visible. Dans son musique, il y a un parfait rapport entre la partie écrite et la partie improvisée. Et ça, c'est un des principaux leçons de Monk, je crois, c'est cette unité, unité entre la chose donnée et la chose trouvée. Thank you. You cannot improvise on Monk with just the chords. On peut pas improviser G7, sur la musique de Monk avec juste une grille d'accord. Sol septième, ça suffit pas. Il faut connaître le sol septième de Monk. C'est elliptique très souvent comme accord. Il y a des notes qui manquent. If you understood a little bit pianistically. And then you used your ears and alors, studied the il faut avoir une compréhension pianistique. Et après, il faut se servir de ses oreilles, et puis il faut travailler. Et à ce moment-là, on peut improviser. On ne peut pas approcher la musique de Monk comme on feuillette un recueil de standards avec juste la grille. Hein. Donc c'est trop spécial. Pour ne pas passer à côté de ce qui est vraiment cette musique, il faut travailler. Pour Monk, l'harmonie était secondaire. C'est les rythmes, c'est les intervalles et c'est la mélodie qui comptait, c'est le swing. Il y a une misconception avec Monk beaucoup parce que les accords et tout ça, c'est le résultat des sons. C'est le résultat de certains rythmes, certains, mais on ne peut pas systématiser. Et il n'y a pas un système de la musique de Monk, c'est une collection. Des sons préférés de lui mis dans une certaine disposition et qui fonctionnent bien, mais la théorie, ça ne marche pas. On peut play les proportions et le rythme et les couleurs et les sons et la clarté et la nature un peu pour play parce qu'ils étaient tous les deux sages. La vie de Thelonious Monk était évoquée par les saxophonistes Johnny Griffin, Phil Woods et Steve Lacy, par le batteur Roy Haynes et par Nika de Königswarter. Vous avez entendu Straight No Chaser, Trinkle Trinkle, Crepuscule with Nelly, Evidence, Epistrophe, Resumening, Mysterioso et Monk's Mood. Demain, Thelonious Monk, pianiste. Marie-Dominique Bougot, Annick Brien, Régine Barjou, Yvan Amar et Gérard Tourtrol. C'était Le rythme et la raison, Thelonious Monk, un prophète énigmatique, par Gérard Tourtrol et Yvan Amar, troisième volet d'une série de 5, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 octobre 1989. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger à la page des nuits sur le site franceculture.fr.